Continent Science, Stéphane Deligeorge. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de toutes les émissions, tous les rendez-vous scientifiques, tous les jours à 14h, très exactement, en direct du studio numéro 1, à la maison onde, à la maison de la radio, Continent Science. Bonjour à toutes et bonjour à tous. À notre sommaire, aujourd'hui, on peut dire que ça va piquer, ça va mordre, ça va tirer au javelot, ça va envoyer des soies perfides, ça va empoisonner. Bref, nous allons nous occuper strictement, et quel monde fascinant, de la fonction venimeuse. Et avec moi, j'ai le grand plaisir de recevoir... Christine Rollard, qui est maître de conférence au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. On dirait qu'elle est arachnologue, si on veut parler français vite. Et si on veut parler en fourchant un peu de la langue, on dirait qu'elle est aranéologue. Aranéologue, c'est ça, Christine Rollard? Aranéologue, effectivement. Aranéologue. Et avec Max Goiffon, expert poison en tout genre, qui est attaché honoraire du même muséum, le MNHN, à Paris donc. Mais pour ne pas rompre avec nos habitudes, bien évidemment, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, je retiens aujourd'hui le chien. Le chien. Oui, le Ulpius canus, le nôtre, l'ami de l'homme, le chien donc. Il n'est d'ailleurs plus nécessaire de montrer que le chien est un allié permanent de nos activités. Et cela pour un atout majeur qui lui vient de son exceptionnel odorat. En effet, au pluriel, les chiens possèdent un flair 10 000 à 20 000 fois plus développé que celui de l'homme, et peut ainsi différencier des odeurs extraordinairement proches. Nous sommes comme des aveugles des naseaux par rapport à ça. Cette capacité olfactive a été largement exploitée dans diverses applications humaines, comme la détection des séismes ou des drogues, ou encore de recherche de personnes disparues, voire même des fuites de gaz. Mais ça n'est pas tout. L'odorat canin pourrait également être utilisé pour sentir un cancer. Des travaux montrent que les chiens sont capables de différencier des cellules cancéreuses, des cellules saines en laboratoire. L'idée que les chiens puissent, d'une certaine façon, flairer un cancer n'est pas nouvelle. Elle est apparue pour la première fois en 1989 lorsqu'une femme a confié à son dermatologue que son chien reniflait constamment son grain de beauté qui s'est avéré cancéreux. Cette anecdote a été suivie de nombreux autres similaires et en a amené certains, parmi les scientifiques, à s'interroger sur l'attitude des chiens à sentir la maladie, Des études sur ce thème ont ainsi émergé dans différents laboratoires à travers le monde. En Allemagne, par exemple, des chiens ont réussi à identifier l'haleine des personnes atteintes du cancer du poumon. Un autre scientifique a mis en évidence la capacité du chien à détecter le cancer de la prostate dans les urines. D'autres travaux encore ont également démontré que les canidés pouvaient détecter le cancer de l'intestin à travers les selles. Restait pourtant une question en suspens. Quel est l'exact composé olfactif que les cellules cancéreuses rejettent et que les chiens sentent, eux? Les études entreprises par Uri Yoel en Israël s'attachent à fournir une réponse à cette question. De chiens dressés pour reconnaître le cancer du sein ont été mis à contribution pour ces expériences. Le scientifique a testé leur capacité à reconnaître une boîte de culture contenant des cellules malignes parmi quatre autres boîtes, contenant bien sûr des cellules tout à fait normales, bénignes. Les animaux ont parfaitement relevé le défi. Citation, Ce qui est intéressant, c'est que les chiens dressés pour reconnaître les cellules mammaires tumorales sont également capables de reconnaître avec succès d'autres types de cellules cancéreuses, souligne ainsi Yuri Yoel. Cela suggère que la molécule sentie par les canidés serait peut-être la même pour tous les cancers. Le coût du dressage pourrait rendre difficile la mise en place de tests d'odorat canin dans les hôpitaux. En subodant bien sûr que de nombreuses études restent à mener encore pour déterminer la nature de cette molécule émise par les cellules cancéreuses. Ce composé ne pourrait-il pas alors ouvrir la voie vers de nouveaux tests de dépistage précoce du cancer? Nous voici donc maintenant avec un toutou, avec un chien, Canus Vulpus, le médecin. Bonjour Christine Rollard. Bonjour. Bonjour Max Goiffon. Bonjour monsieur. Je dois vous dire merci tout de suite parce que pendant très longtemps je me suis servi de l'ouvrage précédent que vous aviez signé concernant l'empoisonnement, on peut dire, pour aller vite, ou la fonction venimeuse, comme il s'intitule, et voilà qu'apparaît un livre magnifique, mis à jour, largement mis à jour. D'ailleurs, c'était nécessaire puisqu'on a trouvé de nouvelles espèces qui avaient cette fonction venimeuse de la façon la plus inattendue. Hein. C'est bien ça. On a trouvé effectivement de nouvelles espèces venimeuses récemment. On en a trouvé par exemple chez les crustacés, oui, dont on pensait qu'ils n'avaient aucune espèce venimeuse. Oui. Mais on a trouvé aussi des mammifères, de nouveaux mammifères comme le loris lent, oui, qui a une fonction venimeuse tout à fait spéciale. Oui. C'est-à-dire que sa glande venimeuse se situe au niveau du bras et qu'il va chercher avec un doigt très allongé, un ongle, pourrait-on dire, la sécrétion venimeuse de sa glande qui est située au niveau du bras et qui la mélange à de la salive. Et donc, sa morsure peut être venimeuse et peut faire d'ailleurs de redoutables dégâts par moment. On ne sait pas exactement la dangerosité évaluer la dangerosité du caustique. Oui, bien sûr. C'est en tout cas... Rendons à César ce qui lui appartient. C'est Thierry Beauchamp qui m'a mis sur la piste d'ailleurs de ce petit animal avec des grands yeux. Très très beau, qui croise les bras, comme vous venez de l'expliquer. Mais moi, je voulais proposer, parce que à feuilleter le livre, comme ça, simplement en regardant la table des matières, on s'aperçoit que parmi les mammifères et les oiseaux, peu nombreux sont ceux qui sont empoisonneurs. Alors qu'évidemment, il y a des familles où ça n'arrête pas, hein. Il y a des grands groupes où ça n'arrête pas. D'ailleurs, vous êtes spécialiste, et l'un et l'autre, de groupes où ça n'arrête pas, justement. Mais par exotisme, et parce que la chose m'a étonné, parce qu'elle exprime aussi la singularité insulaire, qui fait que des éléphants petits peuvent exister dans les îles. On connaît les éléphants d'Inde Sicile. Ou alors, à l'inverse, ils étaient à côté de cygnes qui, eux, étaient géants, plus grands qu'eux. Ces éléphants faisaient 1m10 au garrot pour l'éléphant mâle. Il y a parfois des espèces, alors là, qui connaissent le gigantisme, à l'inverse. Et c'est un mammifère, et c'est une musaraigne, et c'est le solénodon qui est à Cuba, qui fait à peu près, qu'est-ce que ça fait, 10 kilos? Ça fait 1 kilo à peu près. 1 kilo, pardon. 1 kilo... environ, c'est-à-dire c'est de la taille d'un petit lapin ou d'un gros cobaye, à peu près. Oui. Hein. Et c'est très joli. C'est un animal qui ne vit qu'à Cuba. On ne le trouve qu'à Cuba. Oui. C'est donc un animal insulaire, comme vous le faisiez remarquer. Et on ne connaît pas grand-chose du solénodon, en réalité, parce que c'est une espèce qui est en voie d'extinction. Eh oui, malheureusement. Une de plus. Oui. Et surtout sur une île. Oui. Hein. Donc, on pense que ce solénodon est venimeux. Je ne pense pas qu'on puisse le garantir à tous les coups. Je ne pense pas. Parce que les spécimens sont vraiment très très rares. Et les musaraignes, d'une façon générale, sont difficiles à tenir en élevage. Et donc, leur examen et l'examen de leur salive est toujours très délicat. Alors un petit mot par contraste et un petit peu autobiographique si je peux me permettre, mais on en élève en tout cas les plus petites puisque le plus petit mammifère marin est la musaraigne étrusque et on en élève dans le sud de la France, hein, dans un laboratoire et qui m'a très gentiment mordu si je puis dire parce qu'elles sont d'une férocité extrême, hein, bien que ce soit le plus petit mammifère terrestre puisqu'il y a un petit mammifère volant lui qui est aussi petit, tient sur une largement sur un pouce, et qui est cette fois une chauve-souris. Mais elle n'est pas venimeuse, en tout cas. Alors, première constatation, et c'est une question que je vous adresse, Christine Renard, est-ce que, parmi ces fonctions tout à fait étonnantes, celle-ci vous paraît, cette fonction venimeuse, particulièrement étonnante? Oui, tout à fait. En plus, c'est quelque chose qui a été quand même signalé depuis très longtemps. Il y a des études qui ont été faites en fait sur ces groupes. Comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des groupes entiers en fait qui possèdent du venin. Alors d'ailleurs, pour les définitions, c'est aussi important de parler d'animaux venimeux, pas forcément dangereux pour l'homme, mais juste porteurs de venin. Et ce venin, il va être utilisé par ces espèces venimeuses de façon active ou de façon passive. Donc on peut différencier d'ailleurs dans l'introduction de l'ouvrage, il est bien précisé un certain nombre de définitions pour savoir de quoi on parle. Et cette fonction venimeuse, effectivement, est très importante, sachant que ces animaux doivent effectivement soit se nourrir d'autres animaux, donc utiliser le venin pour cela. Donc la fonction de nutrition est la principale. Ou éventuellement, justement, se défendre par rapport à des prédateurs. Donc ça existe depuis très longtemps. Alors on remarque une chose aussi qui est d'ordre général, on peut dire, pour beaucoup d'autres aspects biologiques. C'est la répartition géographique. Max Goiffon les trouve dans l'intertropicale, hein, généralement. Les animaux venimeux sont abondants en zone intertropicale, oui. C'est exact. Et c'est une adaptation. On pense qu'il s'agit d'une adaptation parce que les proies sont rares. Les animaux venimeux sont en général des prédateurs carnivores. Oui. Et donc, ça leur donnerait... Et Dufton est un auteur anglais qui l'a écrit... Eh bien, ça leur donnerait un petit avantage dans la recherche des proies, hein, et surtout dans leur capture. Hein. Et donc, Dufton a même écrit qu'à son avis, tous les mammifères primitifs étaient probablement des mammifères venimeux en raison de ce petit avantage sélectif que ça leur confère, la fonction venimeuse. Hein. Et effectivement, les mammifères qui sont venimeux sont des mammifères parmi les plus anciens, connus, hein, c'est-à-dire non seulement les musaraignes, mais aussi probablement la taupe, mais aussi probablement l'ornithorynque. Enfin, il s'agit d'animaux très très anciens et très particuliers qui possèdent la fonction venimeuse. Alors, d'une façon générale, la fonction venimeuse est très ancienne. Elle a probablement l'ancienneté de la fonction immunitaire innée. Ah. C'est un nouveau discours, si vous voulez, qui a cours actuellement, et donc c'est vraiment la plus ancienne des fonctions venimeuses. Et les animaux venimeux sont en général des animaux qui sont les plus anciens de leur groupe. C'est très fréquent, par exemple les araignées et les scorpions chez les arthropodes, ou le cas des mammifères, ou encore dans le cas des serpents venimeux, ce sont les vipères qui sont les plus anciennes. Aha. Parmi les serpents venimeux. Phylogénétiquement, d'accord, oui, oui. Dans l'arbre, oui, de la vie. Donc, il faut considérer que la fonction venimeuse, d'une part, est très ancienne et qu'elle est apparue d'abord dans l'embranchement des cnidaires, qui est le plus ancien des embranchements que l'on connaisse. On connaît des coraux ou peut-être pas des méduses parce que c'est difficile à conserver, mais qui sont avant l'ère primaire, si vous voulez, hein, antérieure à l'ère primaire. Alors, ouais. Si on considère les deux vôtres, si je puis dire, hein, vos sujets de préoccupation, le scorpion, bon, ben, ils le sont tous, venimeux. Et puis, quant aux araignées, toutes venimeuses, sauf une. Toutes venimeuses, disons, il y a 114 familles d'araignées dans, oui, le monde, oui. Et il y a deux familles qui ne possèdent pas de venin. Donc on n'a pas trouvé effectivement des glandes venimeuses, donc la capture des proies se fait très très rapidement. Il y a quand même en fait une liquéfaction des tissus des proies grâce à des enzymes digestifs, mais le venin n'agit pas à ce niveau-là. Alors ce qu'on peut dire, c'est en tout cas qu'elles sont recordman et les vôtres, les scorpions... Et les vôtres, les araignées, Christine Rollard, c'est que on trouve des scorpions dans l'Himalaya, jusqu'à plus de 5000 mètres de haut. Et puis alors, c'est pareil, les araignées sont des grimpeuses aussi, je veux dire, en termes de latitude. Oui, oui, hein. Tout à fait. Avec les pattes sur terre, oui. On peut en trouver effectivement jusqu'à 6700 mètres d'altitude. Et puis, leur déplacement favori, c'est quand même la voie des airs. Et donc, elles se déplacent comme des aéronautes, en fait, et font partie du plancton aérien. Donc, elles se déplacent bien. Alors, ce que je vous propose, c'est que on fasse un petit sommaire rapide avant d'arriver au cas d'espèce, justement, aux différents groupes. C'est de donner. Alors, j'ai trouvé que la chose était évidemment intéressante de répertorier les manières de faire agir la fonction venimeuse. Dans le tout début, il y a des appareils vulnérants. D'abord, c'est un bel adjectif, je trouve. L'appareil vulnérant. Qu'est-ce à dire un appareil vulnérant, Christine Renard? Ben, l'appareil vulnérant, c'est en fait l'appareil qui va permettre à l'animal venimeux, en particulier l'animal venimeux actif, hein, d'injecter justement son venin. Hein. Donc il peut prendre différentes formes, mais ça va effectivement être le moyen de pouvoir transmettre ce venin. Et alors, Max Goiffon, s'il fallait définir le registre, on va dire, biochimique de tous les poisons, de tous les venins, c'est un grand répertoire? C'est chimique, en quelques mots. C'est un répertoire assez large, en réalité. Il y a, si vous voulez, deux types de venins, notamment chez les serpents. Mm-hmm. Des venins paralysants, on comprend très bien qu'il s'agit d'immobiliser la proie. Et puis des venins qui assurent une prédigestion, que l'on trouve chez les araignées ou chez les serpents, et qui sont destructeurs de cellules, c'est-à-dire cytolytiques, comme on dit, hein, ou hémorragiques, pour certains venins de serpents, en tous les cas. Beaucoup de toxines, en tout cas, sont beaucoup de composés de venins sont évidemment emplis de différentes toxines avec des protéines de tout type. C'est un répertoire biochimique quand même. Étonnant aussi, hein. Oui, tout à fait. Et puis il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, en particulier au départ, surtout sur les serpents justement et sur les scorpions. Les autres groupes en fait d'animaux venimeux ont été moins étudiés au tout début. Et puis on s'est rendu compte que les composants c'était des cocktails en fait, hein, les venins, et c'était des composants donc avec des protéines, avec effectivement des toxines, avec des acides aminés, avec des enzymes en fait qui vont agir à différents niveaux. Oui, c'est là encore. Une sacrée biochimie, hein, et on va voir sur un exemple précis qu'elle peut être, parce que ça peut faire mal à l'homme, en tout cas sinon le faire mourir, le poison. De temps en temps, effectivement, oui, mais il faut avoir le contact aussi avec ces animaux venimeux, ce qui n'est pas toujours le cas. Et aussi, quand on analyse ces toxines, ça peut, mais là je réserve le moment de l'explication, ça peut aussi apporter de formidables médicaments. France Culture, Continent Science. Stéphane Deligeorge. Alors, question d'importance, est-ce que il peut y avoir des animaux, des insectes, qui ont des capacités de détoxification? Est-ce que ça peut se faire, ça? Est-ce que ça a été inventé dans la nature? Neutraliser, par exemple, les venins des prédateurs? Alors, si vous voulez, il faut voir, je dirais, cette question-là d'une façon un petit peu différente. Ah. C'est-à-dire que les toxines présentes dans les venins dérivent toutes d'une toxine, dérivent toutes d'une molécule normale, physiologique, si vous voulez. Et les phénomènes qui conduisent d'une molécule normale, physiologique, à une toxine sont réversibles. C'est-à-dire qu'on peut imaginer aussi qu'une toxine retrouve sa fonction normale. Et les deux exemples existent. Et à partir de là, on peut imaginer bien sûr qu'un venin est une source de médicaments potentiels, notamment du côté des antalgiques, où on manque d'antalgiques actuellement, parce que les dérivés morphiniques, il y a l'accoutumance et l'augmentation des doses, alors que des analgésiques tirés des venins, ça existe, eh bien, on pense qu'il n'y a pas de phénomène d'accoutumance. Et on va le voir avec les cônes de toute façon. Alors je suis en train de regarder évidemment mes notes et tout est tellement intéressant que je suis obligé d'enjamber les serpents par exemple pour aller à des choses plus peut-être moins connues. Alors il y en a une en tout cas que je trouve absolument intéressante et qui fait partie des espèces sinon urticantes en tout cas très très blessantes, ce sont les méduses. Et plus particulièrement, alors il y en a une qui est d'un spécifique absolument vertigineux. Je pense à ce qu'on appelle en langage vernaculaire les galères portugaises. Il s'agit de la physalie. Un petit mot sur Christine Rollin, vous voulez parler des Fizali, vous laissez ça à Max Boiffon. Je vais laisser ça à Max, je pense. Hein, parce que, effectivement, je pense qu'il est plus compétent merci, que moi dans, merci, cette, dans merci, cet aspect. Christine. Alors, merci. Je donne merci. Le menu simplement en disant qu'on va être face à quelque chose qui ressemble à une méduse, ouais. Mais qui est un animal absolument invraisemblable, puisque chacun des organes, je dis bien chacun des organes, est un individu à lui seul. Donc, par exemple, l'organe de flottaison, que l'on voit à la surface, les organes sexuels, et que chacun est une méduse. Vous avez tout à fait raison. Les Physali sont organisés en colonies, si vous voulez, où chaque individu a son rôle. Mais je voudrais préciser d'abord oui. que les cnidaires dont j'ai parlé, dont font partie les méduses, mais aussi les coraux, sont caractérisés, c'est le seul embranchement qui soit caractérisé par la possession d'un animal venimeux, d'un organisme venimeux typique. Oui. Hein, tous les cnidaires sont venimeux, par définition, en quelque sorte. Hein, et c'est leur appareil venimeux qui les caractérise et qui les définit. Donc, à partir de là, il y a mille et une sortes de cnidaires. Ben, bien sûr, leurs formes sont très, très différentes. Imaginez une méduse ou une physali, qui est une colonie de méduses, et puis un corail, par exemple. Ça n'a rien de commun en apparence. Bien sûr. Et en réalité, ils appartiennent tous au même embranchement, parce qu'ils sont tous porteurs du même appareil venimeux. Allez, alors, ça s'appelle le cnidocyte. C'est le cnidocyte. Alors, on va lui donner son nom, puisque cnidaire est cnidocyte. Alors, cnidocyte, ou nématocyte, et je préfère le nématocyte parce qu'il y a une confusion fréquente entre nématocyte ou nématociste et cnidocyte ou cnidociste. Alors le cnidociste, c'est la vésicule à venin, et le cnidocyte, c'est la cellule qui héberge la vésicule à venin. Hein? Donc je préfère parler de nématocyste ou de nématoblaste même, qui sont peut-être des vocables plus rares, mais qui ont la particularité d'être de moins prêtés à confusion. Mais c'est beau quand même. C'est joli. C'est oui, bien, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Alors, et puis le terme est correct en plus. Et le terme est exact, voilà. Et puis ben en plus oui. on voit la relation avec l'instrument que porte bien donc sûr. Ce groupe-là. Exactement. Alors, là, cette fois, je me tourne vers vous, Christine Rollard. C'est parce qu'évidemment, c'est classé par manière ou appareil ou instrument de la fonction venimeuse, hein, de l'appareil donc. Le tournevis, la perceuse, ainsi de suite. Exactement. qui sont l'équivalent. Oui. Donc, si je vous dis échinodermes, par exemple, les oursins, oui. C'est très étonnant, hein, les oursins, parce que, d'abord, c'est cuisant, hein, quand on saute sur un oursin, quand on s'en met plein les pieds. Oui, apparemment, de toute façon, en fait, c'est des milliers de petites aiguilles, hein, déjà, et donc, un des organes vulnérants, c'est justement cette forme aiguille, hein. Après, il y a des formes de harpon, il y a vraiment une grande variété. Mais pour les oursins, effectivement, c'est ces épines, hein, donc, qui recouvrent le corps et qui sont effectivement reliées à des glandes venimeuses. Donc, il y a déjà la douleur, hein, donc, parce que quelquefois c'est pas forcément injection de venin, mais il y a également l'appareil vulnérant lui-même qui va pouvoir être douloureux, et ensuite il y a effectivement cette injection de venin avec des toxines auxquelles on peut réagir, quoi, hein. Oui. Et donc pour les oursins en particulier, c'est quand même quelquefois très, très cuisant, effectivement. Alors, je vous propose de passer, Max Boiffon, on va essayer d'être rapide, parce qu'on pourrait parler des heures tellement la chose est absolument passionnante. À ceux qui sont, à mes yeux en tout cas, d'une certaine manière, parmi les empoisonneurs les plus inventifs, certains en est presque vertigineux. Je voudrais parler évidemment de la bande Aconus, si je puis dire, en tout cas, qui est formée de 600 espèces, hein, qui sont des néogastéropodes, que l'on trouve aussi bien dans la zone tidale des mers, que maintenant, avec des chalutages profonds, on en trouve à de très très grande profondeur. Ce sont donc des gastéropodes marins, on peut dire ça. Toujours marins, oui. Voilà, toujours marins. Mmh. Et alors là, il y a 600 espèces, hein, donc. Et on peut dire qu'ils ont des cocktails qui sont pratiquement, empoisonneurs de quelques... Allez, presque 600 toxines. Hein. Oh, il y a plusieurs centaines de toxines, certainement. Oui. Qui ne sont pas encore toutes répertoriées. Oui, on n'a pas fini l'inventaire. Non, on n'a pas fini l'inventaire, pas du tout. Et qui sont d'ailleurs des toxines protéiques la plupart du temps, et qui sont parmi les plus petites toxines synthétisées par le code génétique. C'est-à-dire que vous avez des séquences qui sont qui sont courtes, de 15 à 30 aminoacides, pas plus. Hein. C'est-à-dire que la synthèse est réalisée à partir de gènes qui programment des toxines très très courtes. C'est une caractéristique des cônes. Hein. Alors parmi ces cônes, eh bien, on a pu identifier des toxines qui agissent non pas sur des récepteurs moteurs, et qui sont des toxines alors paralysantes, mais sur des récepteurs sensitifs. Et donc, ce sont des bonnes toxines qui calment la douleur, si vous voulez, qui peuvent fournir des analgésiques nouveaux. Alors, très nouveau même. Hein, parce tout à fait nouveau. À partir de cette conotoxine, on est. D'ailleurs, c'est dans le commerce, hein, maintenant. C'est dans le commerce. C'est la dénomination commune internationale, c'est le ziconotide. Oui. Et la spécialité, c'est le Prialt. Oui. Hein, donc, il faut faire la différence entre, si vous voulez, le générique et la formule commerciale, en quelque sorte. Et il est très intéressant parce que donc c'est évidemment un sédatif très très puissant. Très puissant, plus puissant que la morphine. Et comme il n'utilise pas le circuit de la récompense, on dit qu'en tout cas, il n'apporte pas d'addiction possible. Alors évidemment, bon, c'est un sédatif qui s'utilise dans des situations de douleur terminale, on peut dire, par exemple. Et vous m'expliquiez que c'est d'un emploi difficile puisque ça, il faut le mettre dans le liquide rachidien, ôter le même volume que l'on va mettre de cette toxine adaptée, le même volume qu'il faut extraire, donc, du liquide rachidien et ensuite poussé. Mais c'est un antidouleur formidable. Et là encore, la mère est une grande pharmacienne. Oui, oui. Avec les êtres. Oui, oui. La mère en général, c'est-à-dire, si vous voulez, les biotoxines marines, en quelque sorte, hein, sont un réservoir qui n'est pas encore exploité à fond. Alors, je voudrais quand même apporter une sorte de bémol sur cette source qui pourrait fournir beaucoup de médicaments. Le bémol, il est donné par un article d'un auteur qui s'appelle Alan Harvey. Alors, Alan Harvey est le président actuel de l'International Society of Toxinology. Et il a mis un petit peu en garde les chercheurs sur la difficulté qu'ils pourraient éprouver à transformer une toxine en médicament ou à faire d'une toxine un médicament. D'abord, parce que les toxines ont en général un point d'impact très ciblé, très étroit. Et donc, on attend d'un médicament qu'il ait un éventail d'actions plutôt élargi. Et donc, la toxine, qui agit souvent sur un récepteur, et d'ailleurs, le fait d'avoir un récepteur pour la toxine est un atout pour la faire évoluer vers un médicament. Bien sûr. Eh bien, si vous voulez, elle a une action tellement étroite et tellement ciblée que l'on a du mal à en faire un médicament. Hein. Alors, quand il s'agit d'un analgésique, par exemple, là, il n'y a pas de problème. On connaît les récepteurs sensitifs. On connaît le point de fixation de la toxine. Et à ce moment-là, la transformer en analgésique, je ne dirais pas que c'est un jeu d'enfant. C'est un très gros travail, au contraire. Mais on peut y arriver. Mais pour les autres molécules qui sont très ciblées, c'est plutôt un désavantage que d'avoir une spécificité très, très étroite. Hein, pour la toxine. Alors je vais me permettre de lire quelques lignes, toujours on va rester sur les cônes, parce que c'est une véritable passion en tout cas pour moi, de façon égoïste, et aussi parce que c'est absolument sidérant le mécanisme. Donc il est écrit dans cet ouvrage sur la fonction venimeuse que la coquille conique, biconique, cylindroconique, bulbeuse, olvée, cylindrique, turbinée, qui présente des grandes variétés de formes et de colorations, est formée de 5 à 8 tours de spire calcaire en enroulement d'ex. Toujours dextre, d'ailleurs, autour d'un axe central, la columelle. On peut décrire, donc je vais commencer, vous allez finir, mais moi ce qui m'étonne, c'est qu'il faut voir donc une espèce de magnifique coquillage avec des colorations absolument splendides, tout à fait étonnantes, des triangles, enfin bon, les formes et les patterns de 600 espèces hein, sont à l'infini. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est la fonction. Voilà ce qui, je commence la faire, vous allez la finir, Max Goiffon. C'est que, d'abord, il voit la proie, et puis d'un seul coup, il va dévaginer, donc un proboscide, une sorte de petite trompe. Et à ce moment-là, il va empoisonner sa victime. Et d'un seul coup, il va la gober, et il va la manger. Alors, simplement, il a un répertoire incroyable. Il fait des javelots, il fait des aiguilles avec des petites barbes. Que fait-il? Alors, l'appareil venimeux du cône est très, très particulier. Hein. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est vraiment unique dans son genre. C'est-à-dire que la trompe dont vous avez parlé, oui. qu'on appelle le proboscis en oui. termes techniques, oui. eh bien, il porte à son extrémité, cette trompe porte à son extrémité, une sorte de dent creuse, qui est une dent radulaire. Oui, la radula est un organe propre aux mollusques. Hein, et cette dent creuse, au passage, elle se remplit de venin. Et donc, l'effet du venin est instantané. C'est tout à fait étonnant de voir le poisson qui est complètement immobilisé, paralysé. Hein, quelques cônes, d'ailleurs, jettent un véritable filet sur le petit poisson. Comme un harpon, en fait. Puis, le proboscis, c'est une sorte de harpon qui va déposer la dent radulaire contenant son venin et le poisson va être consommé très tranquillement, paralysé par l'animal qui va l'avaler, le digérer oui. en bon carnivore qu'il est, comme tous les animaux venimeux sont pratiquement des carnivores prédateurs, pas toujours, pas les hyménoptères par exemple. Mais très souvent, ce sont des prédateurs carnivores quand même. Oui. Alors, il faut, dernière précision, il faut bien voir que ces petits javelots, ces petites fléchettes, ne sont pas venimeuses par elles-mêmes. Elles passent dans un sac, hein, qui est donc un sac bien particulier, où sont sécrétées cette variété quasi infinie de toxines. Et à ce moment-là, elles sont utilisées. Et en particulier, donc, c'est un animal qui pique. Il faut faire très attention, bien évidemment, il faut prévenir. Il est mortel pour l'homme, pour certaines de ces espèces, au moins trois. Ce qui est dire la puissance du venin des toxines de cet animal. Il vaut mieux éviter de les manipuler en plus. Hein, oui, effectivement. Là, il faudrait comme beaucoup très difficile. Il faudrait souligner un travail très intéressant de Sébastien Dutertre que j'ai connu comme étudiant il y a très longtemps et qui est parti en Australie, qui est revenu en France maintenant et qui a montré que les cônes sont capables de différencier, si vous voulez, leur venin. Selon le mode d'utilisation. C'est-à-dire, il y a un venin de capture des proies qui est beaucoup moins riche en toxines que le venin de défense vis-à-vis des prédateurs, des éventuels prédateurs, qui sont en général de gros mollusques ou des annélides parfois. Hein. Et donc, il a imaginé, en quelque sorte, d'avoir un venin différent pour la capture des proies et pour sa propre défense. Oui, il peut y avoir des vipères qui ont cette manière, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir simplement une piqûre qui est simplement de dire sauve-toi, ou alors une attaque où elles mettent beaucoup plus de venin, et dans ce cas-là, c'est vraiment pour tuer la proie. Oui, on peut l'imaginer pour la vipère, oui. Ce n'est pas encore absolument démontré, mais on est sur cette voie-là, avec le scorpion par exemple, qui a un prévenin, qui contient très peu de toxines, mais qui est chargé en potassium et qui suffit pour immobiliser une petite proie, hein, qui est en général un autre insecte, et puis qui a un venin qu'on appellera un venin défensif, qui est riche en toxines et qui peut nuire à un mammifère qui pourrait l'attaquer, si vous voulez, hein, qui pourrait attaquer le scorpion. Donc, ça existe, la double fonction du venin existe chez plusieurs espèces animales, au point qu'on peut se demander si elle n'est pas plus générale. Voilà, passé le mi-temps de Ce rendez-vous de Continent Science tout à fait dévolu à la fonction venimeuse. J'aurais peut-être dû dire dès l'abord que cet ouvrage est signé, bien sûr, enfin sous la direction, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs, de Christine Rollin, de vous, Max Boiffon, mais aussi de Jean-Philippe Chipot. Donc, et qu'il est édité aux éditions Lavoisier Tech et Doc. Nous allons passer aux araignées. Un petit peu. Christine Rollard, donc très méchante, j'ai peur des araignées. Non, ah, c'est pas vrai. Je les adore. Non. Et je suis pas le seul d'ailleurs. C'est là une fonction essentielle. Comment on va placer dans l'extraordinaire monde des araignées la fonction venimeuse? D'abord, on peut peut-être décrire, après avoir répondu à cette question, ensuite plutôt décrire l'appareil. Mais d'abord. Oui, effectivement, en fait, hein, c'est vrai que les araignées sont effectivement des animaux venimeux, donc porteurs de venin. Hein, et cet appareil, en fait, venimeux est constitué de glandes qui vont déboucher au niveau des crochets, puisque les araignées, en fait, ont ce qu'on appelle à l'avant des chélicères et non pas des mandibules comme chez les insectes. Et dans ces tiges de chélicères qui portent des crochets, il y a justement ces glandes qui peuvent être de tailles différentes et qui vont aboutir à l'extrémité en fait subterminale du crochet et injecter ce venin. Donc c'est vraiment à l'avant, hein, donc elles ont leur organe de perforation, elles, hein, l'organe vulnérant, contrairement à d'autres animaux. Hein, on a une grande diversité chez les animaux venimeux avec la position de l'organe vulnérant qui peut être à l'arrière, qui peut être à l'avant, qui peut être au niveau des pinces, etc. Et donc pour les araignées, c'est au niveau des crochets. Alors ça, en tout cas avec les mygales, elles compliquent tout parce qu'elles en ont deux. C'est-à-dire qu'elles ont ces fameux crochets à l'avant. Oui, tout à fait. Hein, Et puis quand il leur prend de se gratter avec les pattes arrière l'abdomen, que se passe-t-il, Christine Rollin? Mais effectivement, en fait, pour certaines mygales, alors pas toutes les mygales, hein, parce qu'il y a à peu près 2700 espèces de mygales dans le monde, et il y a une famille... Redites-le doucement, parce que c'est... 2700 espèces de mygales, hein, quand même, ce qui est important, et on en a... en Europe, hein, contrairement à ce que les gens pensent en général. Et les mygales, en fait, de la famille des Theraphosidae, qui vivent en Amérique centrale et en Amérique du Sud, possèdent un organe de défense qui est constitué par des soies urticantes sur le dos. Et quand elles se sentent menacées, elles vont frotter avec leurs pattes arrière sur le dos de l'abdomen et se faire détacher en fait des milliers de petites soies qui ont des formes de harpons et qui vont se ficher dans la peau du prédateur potentiel. Donc c'est leur moyen de défense. Donc c'est pas forcément la morsure, même si elles peuvent le faire aussi. Elles ont du venin, elles sont venimeuses. Bien sûr. En particulier pour tuer leur proie, pour les paralyser. Mais c'est vrai que leur action de défense est plutôt sur les soies urticantes. Donc là, il y a deux fonctions et deux instruments, si je puis dire. Quoi. L'appareil mordeur. Et en plus, vous faites la précision suivante. C'est qu'on le voit d'ailleurs dans les films. Hein, quand on embête une mygale, on voit ce petit nuage là. Oui, parce qu'il y a vraiment un petit nuage. Oui. En fait, elles sont très volatiles. Elles vont se ficher en fait, dans la peau de l'ennemi. Alors, il faut vraiment faire attention quand on a éventuellement des élevages ou qu'on veut justement observer des mygales de ce type, c'est de ne pas s'approcher trop près, puisqu'il peut y avoir en fait des soies qui peuvent se ficher dans les yeux. On peut faire des kératites quand même importantes. Et surtout pas se frotter, parce qu'on enfonce. Et surtout pas se frotter, parce que justement, ça a des formes de harpon, et donc ça s'enfonce. Plus on gratte, plus ça s'enfonce. Hein. Alors vous dites qu'il y a 15 espèces qui sont dangereuses pour l'homme, sur les 45 000 espèces d'araignées répertoriées. Au jour le jour, suivant en fait l'actualité. On a un site qui nous permet de suivre un petit peu le nombre. On est à 45 750, grosso modo. Toujours 114 familles. Et c'est toujours 114 familles quand même. Bon. Hein. Et puis, effectivement, elles ont disons une quinzaine de genres plutôt que d'espèces sont potentiellement, plus ou moins dangereux pour l'homme avec des réactions plus ou moins marquées. Hein. Donc, pour reprendre d'ailleurs un des éléments que vous citiez tout à l'heure, les animaux en fait venimeux ne sont pas forcément agressifs vis-à-vis de nous. C'est souvent quand on les prend ou qu'on essaye de les manipuler qu'il y a une réaction. Donc, je parlerai plus d'animaux réactifs en fait à un dérangement que agressifs vis-à-vis de l'homme, puisque nous ne sommes pas les proies de toute façon visées par ces animaux-là. D'où le fait que beaucoup de toxines n'agissent pas sur le gros mammifère que nous sommes. D'ailleurs, on pourrait dire des vipères, il suffit de frapper parfois, souvent elles s'en vont. Exactement, et puis jamais personne n'a vu une araignée lui courir après. Non, certainement pas. Elles ont tendance à fuir quand même. même. Hein. Oui. Voilà. Et, oulala, alors, hors antenne, hein, c'est dans la cabine technique, d'où vient la phobie? Là, il faudrait faire une autre émission. Oui, et de toute façon, il faut lire Christine, les œuvres complètes de Christine Rollard, où là, les réponses sont toutes apportées. C'est un peu compliqué. De toute façon, les phobies, c'est un phénomène compliqué. Moi, je vais plutôt me tourner vers les dangereuses. Mm-hmm. Et en particulier, donc, celles qui sont mortelles pour l'homme. La description est quand même assez dure. Hein, oui, de la attention au niveau des termes, parce que c'est vrai que j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas d'araignée mortelle à proprement parler pour l'homme, en fait. Hein. Oui. Donc, effectivement, il peut y avoir quelquefois des réactions donc qui sont plus ou moins marquées, en particulier souvent sur les personnes qui sont plus sensibles, c'est-à-dire les enfants ou les personnes âgées, à certaines toxines. Disons que dans la... l'ensemble de toutes ces araignées, de plus de 45 000 espèces, quelques-unes comme une mygale australienne en particulier, la Trax robustus qu'on trouve autour de Sydney, hein, la Sydney Funnel Web, a provoqué, donc jusque dans les années 80, il y a eu 13 cas de mort en 60 ans, ce qui n'est pas énorme quand même. Et depuis, il y a un sérum qui a été, en 1980, qui a été produit donc par rapport à cette araignée-là. Ensuite, il y a effectivement également un sérum pour le groupe des araignées dont on parle régulièrement, qui sont les veuves noires. Hein. Oui. On a bien une veuve noire d'ailleurs méditerranéenne qu'on trouve dans le sud de la France, et les cas de morsures sont très très rares. N'oublions pas que même pour tous ces animaux venimeux, on n'est pas souvent en contact avec eux. Hein. Donc on n'est pas forcément justement les victimes, et les hommes sont avec ces animaux venimeux rarement en fait touchés, hein, donc pour la majorité. Et vous avez un argument aussi qui est très très fort, c'est que Christine Rollard, vous dites aussi que elles ont des mâchoires, enfin j'utilise pas le bon terme, suffisamment petites pour ne pas entamer le moindre derme humain. Exactement, on a quand même une certaine épaisseur, hein, donc il faut arriver à avoir une taille suffisante, que ce soit pour les araignées qui, pour la majorité, font autour de 5 mm de taille de corps, donc imaginez la taille des petits crochets, hein, c'est vraiment tout petit, ils ne peuvent pas percer la peau humaine, et pour un grand nombre d'animaux venimeux, donc cités effectivement dans l'ouvrage. Malgré tout, on se rend compte que le nombre de cas, donc je parlais des cas mortels, effectivement, qui sont quand même rares chez les araignées, le nombre de cas mortels par rapport à d'autres groupes, que ce soit au niveau des scorpions ou au niveau des serpents, sont un peu plus importants, puisque on a des tailles un peu plus importantes au niveau de ces groupes-là, de ces animaux-là, et que le contact, quelquefois, au niveau des habitations, peut être plus fréquent. Oui. Si on... Il n'y a donc pas de problème avec les araignées santé publique, hein, en particulier. Non, contrairement à ce qu'on peut penser. Voilà, tout à fait. J'utilise délibérément le terme de santé publique, puisque avec vos scorpions, si je puis dire, Max Boiffon, là, il y a un problème de santé publique. Hein. Il y a un problème de santé publique avec les serpents et les scorpions. Oui. En particulier en Inde. par exemple, des pays comme l'Inde, mais aussi le Brésil. Hein, oui. Non, pas l'Australie. L'Australie n'a que des serpents dangereux. Hein. Il n'y a pas de scorpions dangereux en Australie. Mais je voudrais surtout faire un petit commentaire à propos des araignées. Vous êtes le bienvenu. De revenir un petit peu sur ces venins d'araignées qui ont comme caractéristique d'avoir souvent une toxine qui va être spécifique d'un groupe. Et quand on n'a pas de chance, si vous voulez, et notamment les Australiens de la région de Sydney, eh bien cette toxine, elle a une action particulièrement marquée chez l'homme. Mais le fait que l'action de la toxine puisse être dangereuse chez l'homme seulement, eh bien ça a beaucoup rendu la tâche difficile pour les chercheurs qui n'avaient pas de modèle animal correspondant à la sensibilité de l'homme pour la toxine d'Atrax, par exemple. Hein. Donc, les études ont été très très longues et très très difficiles parce qu'on a trouvé simplement une ou deux espèces de singes qui ont une sensibilité non pas aussi marquée que celle de l'homme à la toxine de cet Atrax, mais une sensibilité suffisante pour proposer une thérapeutique efficace, c'est-à-dire un sérum antivenimeux en pratique. Ça attaque vraiment le système nerveux Pour Atrax, le venin d'Atrax, c'est un venin neurotoxique, oui. Alors, c'est curieux, il y a combien de segments sur une queue de scorpion avec l'aiguillon au bout? Il y en a 6 en tout, il y en a 6. En comptant l'aiguillon terminal, hein, et la vésicule à venin. Il y a six segments, si vous voulez, du post-abdomen, puisque c'est un abdomen, étant donné que l'anus est juste en amont de la vésicule à venin, et donc la queue du scorpion n'est pas véritablement une queue, qui est toujours un organisme post-anal, par définition. Parce qu'on va le voir avec l'exemple qui va suivre, est-ce qu'il y a des combats à certains moments, par exemple au moment de la reproduction, ainsi de suite, des combats, par exemple de mâles qui essayeraient de s'entre-venimer, Ce n'est pas exactement ça. Ah. Il y a, si vous voulez, des femelles qui sont réceptives et qui sont donc prêtes à s'accoupler, en quelque sorte, et au-devant desquelles va le mâle. Et donc, c'est une espèce de danse rituelle qui peut durer de un quart d'heure à 24 heures, hein, dans les cas les plus longs. Comme les albatros, pour varier les exemples. Donc, on a décrit, notamment mon ami Roland Stockmann, a décrit des piqûres de la femelle par le mâle. Ah. Mais des piqûres qui n'entraînent peut-être pas de décharge de venin et qui sont apparemment inoffensives pour la femelle. Mais il n'y a pas apparemment de compétition entre mâles chez les scorpions. Alors Christine Rolland, on va passer sur cet exemple puisque vous les avez vus, celui qui est un de ceux auquel je tiens beaucoup parce que je le trouve tout à fait étonnant. Vous l'avez d'ailleurs signalé en précisant, Max Goiffon, que c'était des animaux primitifs dans les lignées phylogénétiques. Il s'agit du Platypus, ainsi que le disent les Anglais. Il s'agit donc d'un prototérien, un monotrème, hein, qui évidemment pond des œufs et qui voit la femelle laisser couler de ses glandes mammaires. Exactement, sur son abdomen, ouais, les petits. Et si on regarde les mâles, d'abord ils sont beaux, c'est beau, hein. Oui, c'est vrai, hein, c'est quand même assez impressionnant comme animal, parce que ça fait avec ce bec, avec les pattes palmées, recouvertes de poils en fait, et c'est vraiment très très particulier. Et seuls les mâles, hein, donc ont effectivement une sorte d'ergot, hein, donc sur la face interne des pattes postérieures, qui va être reliée à une glande à venin. Alors il se trouve que les femelles avaient également cet ergot, mais qu'elles l'ont perdu. Hein, oui. Donc et c'est vraiment quelque chose. Puberté, voilà, oui, tout à fait. Oui. Hein, et donc c'est effectivement apparemment un caractère sexuel secondaire en fait, hein, chez les mâles. Ils vont utiliser en fait cet ergot pour se défendre en particulier. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'homme, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de cas signalés au niveau de cette action en fait du venin chez les ornithorynques. Par contre, les Australiens signalent assez régulièrement des chiens, hein, qui se font, oui, effectivement, qui recommencent en plus et qui recommencent, oui, effectivement. Et on trouve d'ailleurs des ornithorynques qui ont des blessures. Oui. Ils sont territoriaux et donc on trouve que certains d'entre eux ont des blessures, oui, oui, qui viennent donc de ces attaques avec ces deux ergots à venin. Il y a une particularité que je ne peux pas rater, puisque de toute façon ça n'est pas le cas des autres espèces de monotrèmes qui sont les échidnés. Oui. Alors rien à voir, hein, puisque c'est une espèce de petit hérisson avec une espèce de bec tubulaire. Voilà, on en a à bec court et à bec long, voilà, effectivement. Le grand échidné, le petit échidné. Mais dans les deux cas, tout ce groupe-là ont des capteurs électromagnétiques. Oui. Alors, je ne sais pas. Oui, au niveau du bec, en fait. Voilà, hein, voilà. Donc, du en bec. Fait, au départ, les jeunes ornithorynques ont des sortes de dents, mais qui se perdent. Mm-hmm. Et ça fait au niveau du bec, c'est des animaux qui vont plonger, en fait, pour aller récupérer donc leur aliment donc au fond, hein, en tamisant, mais en les repérant, effectivement, avec des sortes de cellules, en fait, hein, des électrorécepteurs. C'est ça. Et on peut en avoir jusqu'à 40 000, en fait, électrorécepteurs au niveau de ce bec, et jusqu'à 60 000 récepteurs de pression. Hein. Donc, ce qui est quand même assez fabuleux, quoi. Oui, surtout quand on parle tout le temps de cette espèce d'animal mal fini, ainsi de suite. Il est extraordinairement armé. Il est très diversifié et très, oui, développé. Et je peux dire qu'il est très beau. Parce que on peut le voir dans les rivières, mais au muséum de Sydney, il y a un grand aquarium où il y a là des ornithorynques. Ouais. Et ils ont une nage d'une grâce absolument évidente. Ils font des volutes. Et puis, ils descendent et ils remontent. On dirait, comme s'ils volaient un petit peu dans l'eau, c'est magnifique. J'ai eu la chance aussi d'en voir en Australie, dans un lac, et c'est vrai que c'était assez surprenant quand même, assez fantastique. Un mot sur ces monotrèmes. Oui, oui, bien sûr, un mot sur les venins. Oui. Parce que on s'est aperçu que les venins d'ornithorynques eh bien, leur toxine dérive de peptides antibactériens. Oui. Et ce phénomène-là, c'est on étonnant, le trouve aussi oui, oui. chez le scorpion, parce que le scorpion a des toxines de venin qui sont structurées de la même façon que leurs peptides antibactériens. Et alors l'intrication va plus loin, puisque là, ça a été un travail accompli par le laboratoire de Jules Hoffmann, le prix Nobel de 2013, hein, qui a montré que certaines défensines de scorpion avaient la même affinité qu'une toxine de venin de cône pour le récepteur cholinergique, c'est-à-dire le récepteur curarisant, en quelque sorte, de la torpille. Hein. Donc, les défensines de scorpion peuvent avoir un effet de type curarisant, c'est-à-dire paralysant, oui. pour un animal, hein, alors que le venin de cône n'a rien à voir avec le venin de scorpion. Est-ce que je pourrais employer le mot de convergence, alors? Alors, non seulement vous pouvez l'employer, mais ce mot a été utilisé par des équipes de chercheurs aussi considérables que celles de Menez, qui dans le temps travaillait sur les venins, il est décédé maintenant, ou par Brian Fry, un chercheur australien qui lui est toujours vivant, ou même par Kaplan, qui au terme d'une étude in silico, comme on dit, c'est-à-dire sur ordinateur, a affirmé, y compris dans son résumé d'article, que il ne pouvait pas éliminer la possibilité d'une convergence entre les peptides antibactériens des venins et les toxines de leur venin. On peut peut-être rappeler simplement comme définition de convergence, c'est que si on regarde des dauphins qui sont des mammifères et si on regarde des requins qui évidemment sont des poissons, il y a des nageoires et qui sont donc là il y a eu un phénomène qui puisque au départ dans la lignée phylogénétique ils avaient des pattes, leurs ancêtres, et bien là ils se retrouvent avec des nageoires et les requins se retrouvent aussi avec des nageoires, donc il y a un phénomène de convergence. Oui, là, on peut définir vite le mot. On peut voir effectivement un phénomène de convergence dans la forme du requin et la forme du dauphin, bien évidemment. Alors, il y en a que je ne voudrais pas rater, donc je vais peut-être anticiper la conclusion d'une certaine façon, mais j'ai été absolument sidéré de la découverte dans les années 90. Alors évidemment c'est tout petit les mammifères dans le livre, hein, c'est tout petit. Mais alors les oiseaux c'est petit, encore plus petit. Donc il se trouve qu'il y a des oiseaux qui sont venimeux. Les Anglais les appellent stinky birds. Les gens de Nouvelle-Guinée-Papouasie, je ne sais pas comment ils les appellent, mais ils se pincent le nez quand ils s'approchent. Et ce sont des oiseaux qui suintent. Alors là, c'est passif. Hein. Je vous laisse dire leur nom. Oui, alors Max sont Boifond. Les pitohuis. Pitohuis. Oui, oui. Et non pas, il ne faut pas confondre avec les pihuis d'Apollinaire. Hein. Ce sont bien les pitohuis. Les pihuis d'Apollinaire étaient en réalité simplement des canards. Hein. Et Apollinaire avait imaginé que chaque canard avait une seule aile et qu'ils étaient obligés de voler par couple pour pouvoir avoir un vol assuré, si vous voulez. Donc ces pihuis imaginaires n'ont rien à voir avec les pitohuis de Nouvelle-Guinée. Voilà, et revenons aux nôtres. Alors voilà comment s'est fait la découverte, et je trouve ça tout à fait étonnant. Oui. Donc ils jettent un filet, une équipe évidemment de naturalistes, parce que les papous de Guinée-Papouasie les connaissaient depuis l'éternité, si je puis dire. Et donc ils reprennent le filet, les oiseaux avaient été capturés, ils les relâchent ensuite, et puis ils se passent le doigt ou la main sur les lèvres. Et d'un seul coup, ils ont eu un sentiment dur, de quelque chose d'urticant, et paralysant aussi. Voilà, absolument paralysé des mâchoires ou des lèvres. Avec le même effet d'ailleurs en passant effectivement la langue sur les plumes, etc. Oui. Et donc il y a cette sécrétion de produits très particuliers au niveau des plumes C'est des oiseaux qui ont des colorations assez marquées hein, aussi. Oui, ils sont très jolis. Ils sont très jolis. Hein, et donc cette production, justement, apparemment, de venin. Quoi, oui. Et il y a des petits malins qui leur ressemblent comme deux gouttes d'eau, qui ne produisent pas d'ailleurs le venin, pas du tout, mais qui les suivent. Ce sont des suiveurs. Et on pourrait se poser le problème d'un bon fonctionnement de mimétisme mullérien. Oui. Assez qu'on le désigne, c'est-à-dire, attention, je suis dangereux, je suis en train de vous raconter des salades, je ne le suis pas du tout, c'est celui d'au-dessus qui est, lui, porteur de venin, batrachotoxine. Qui sont proches des batrachotoxines. Un mot sur les oiseaux qui venimeux, et ça sera la fin. Un petit mot, j'ai une autre version, si vous voulez, pour dire que le pitohui est venimeux. Oui. L'envenimation aurait été provoquée par une ou deux plumes, ou plusieurs plumes, qui auraient été mâchouillées par un étudiant qui était venu étudier les pitohui. Et il aurait senti une sensation de picotement autour des lèvres, puis une paralysie, qui est due à l'homobatrachotoxine. Oui. C'est le terme de la toxine, si vous voulez, la définition chimique de la toxine. Et donc, on peut dire que les pitohui sont venimeux si on mâchouille des plumes. Oui, sinon, voilà. Ils sont plutôt vénéneux. Voilà, c'est-à-dire que l'envenimation est liée à l'absorption entérale, c'est-à-dire la digestion de l'animal. C'est la donc, différence, deux considérations conclusives. Donc, n'ayez absolument pas peur des araignées, elles ne mordent pas, c'est une blague. Hein. Mais surtout, n'allez pas mordiller les ailes de pituit, parce que ça risquerait, là, cette fois, de finir mal et vous retrouveriez légèrement bec. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Christine Rollard et Max Goiffon pour votre venue à ce micro de Continent Science. Je rappelle le titre de cet ouvrage qui est absolument fascinant. C'est La fonction venimeuse. Donc, sous la direction de Christine Rollard, encore une fois, et de Jean-Philippe Chipot et de Max Goiffon, le tout édité aux éditions Lavoisier, Toc et Doc. C'était donc Continent Science. Merci de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques sont toujours les bienvenues. À la technique, Alexandre Dang, qui ira lire Christine Rollard pour mieux savoir ce que c'est que ce qui se passe pour ceux qui ont peur des araignées. Pour la documentation, bien sûr, Thierry Beauchamp. À la réalisation, bien sûr, Dany Journon, Stéphane Delisgeorges. Continent Science, c'est balado diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, vous avez la possibilité de télécharger Le temps d'une grande année ou de l'écouter 1000 jours.